Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 de 15 secteur Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Le... BR Métal et ses quatre divisions. Mobilier public, BR Industrie, Aluco, BR Peinture Industrielle. Désire souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Le groupe BR Métal est un employeur important dans le milieu puisqu'il génère presque 40 emplois et ne cesse de grandir. Le groupe BR Métal est situé au 353 Gustave Dessureau. Au numéro de téléphone 88. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Ici Sylvain Rouleau, directeur général de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période de l'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année, que la nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes! Pendant que les Saguenayens de Chicoutimi ont vraiment, suite aux nouvelles acquisitions chez les Sags, et on a bon espoir de se rendre à la finale, ben, les Olympiques de Gatineau, sous Charlie Henry, ben, c'était une équipe qui ça représentait l'excellence, ça représentait la régularité. Mais là, ce qu'on entend à travers les branches, c'est que la grosse merde est pognée à Gatineau. Et on va parler avec le descripteur des Sénateurs, Nicolas Saint-Pierre, qui suit également ce dossier-là. Salut, Nicolas. Salut, Danny. Nicolas, tu vas nous raconter en général là, ce qui se passe. De ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut lire, ça semble vraiment pas bon. Puis ça ressemble pas aux Olympiques de Gatineau qu'on a connus sous Charlie Henry. Oui, disons que ça a des odeurs de fromage bleu en ce moment, l'histoire des Olympiques ici à Gatineau. Écoute, pour résumer en pas grand mot, je te dirais qu'il y a une guerre intestine entre le groupe de propriétaires et un groupe de 10 copropriétaires qui, en ce moment, semblent divisés. Il y a une portion qui semble critiquer le travail d'Alain Cyr et qui voudrait peut-être le voir passer à autre chose dans son poste de directeur des opérations hockey. Directeur général. Puis d'un autre côté, il y a le groupe qui est pro-Alain Cyr, puis qui aimerait qu'on poursuive et qui aimerait garder le statu quo en prônant la patience, puis en disant que les meilleurs jours sont devant nous. Il y a eu des mots qui ont été dits ou des déclarations qui ont été faites ça va à l'encontre un peu, j'imagine, dans le protocole de ce qu'on avait établi au niveau des propriétaires. Puis demain, donc mardi, il y aura une réunion à huis clos qui servira à régler beaucoup de choses. Ce qui est là-dedans intéressant, c'est que les avocats seront tous présents, les avocats des propriétaires, parce qu'apparemment qu'il y aurait eu des manquements justement à la règle et on a en ce moment une enquête qui est mise, qui est sur pied. Puis on aura les résultats demain à la suite de cette réunion à huis clos. Vous avez un groupe de partisans qui n'en peut plus de voir justement l'équipe croupir au bas fond des classements et qui demande la démission du propriétaire Alain Cyr. Et le résultat, c'est qu'on a des très faibles assistances en ce moment. Les gens semblent avoir boudé le produit des Olympiques et on se retrouve avec une tempête parfaite. Mais on va prendre l'expression populaire. Mais le problème, tu viens de me dire ça, là. Il y a trop de monde dans... Ça se peut-tu? 10 personnes? Hey, ça fait du monde, ça. Ah, Ça, c'est, j'ai toujours eu cette impression-là, c'est que 10 personnes, c'est 10 personnalités différentes, 10 visions différentes. Ouais. Et, mais 10 égaux différentes aussi. 10 égaux différentes aussi, là. Ben, exactement, tu l'as bien dit. Puis là-dedans, par exemple, c'est que ben on a voulu justement établir ce genre de format de propriétaire-là. Et malheureusement, ça ne semble pas fonctionner, mais quelque chose me dit que le nombre de propriétaires pourrait être réduit à la suite de cette réunion demain. OK. Tu me parlais d'une station de radio également qui ça donne à cœur joie aussi, là. Écoute. Je veux pas aller trop dans les détails, Danny. Ouais. Puis je comprends aussi que c'est des histoires quand même croustillantes. Mais de ma perception, je veux te dire une chose, c'est que il semble avoir des règlements de compte qui se font autant du côté d'un média écrit que d'une station de radio. Puis je me demande, ben en fait, je ne me demande pas. Je connais un peu les raisons, mais je trouve ça un peu ordinaire de la façon qu'on procède. Puis c'est pas la première fois qu'on tente justement de provoquer un putsch à l'endroit d'Alain Cyr. Alors, écoutez, sans aller dans les détails, je trouve que c'est encore une fois du journalisme de bas étage à certains moments. Je respecte beaucoup les artisans qui font partie de ces médias-là et c'est pour ça que je veux pas échauder personne. Mais à un moment donné, je trouve que la neutralité journalistique a pris le bord dans ce dossier-là. Est-ce que c'est un petit peu, parce que les Olympiques de Gatineau, c'est le modèle d'excellence, c'est ce que j'avais dit en début de d'entrevue. Nous, à Chicoutimi, ça fait 25 ans, 94, ça fait 26 ans qu'on attend. Puis je pense, on soupçonne un peu qu'il y a eu un peu de pression pour faire toutes ces transactions-là, parce que les partisans ont hâte de victoire. Là, tu me parles d'Alain Plante, le directeur général, puis qui est contesté. Alain Cyr qui est contesté. Est-ce que c'est un peu la même affaire, les partisans? Parce que les Olympiques de Gatineau, ça a gagné, là. Est-ce que ça, c'est une pression, le rendement sur la patinoire, entre autres? Ben, c'est sûr qu'on compare avec les succès que les Olympiques ont eu au cours des dernières années, au cours des dernières décennies, c'est qu'on compare beaucoup les Olympiques de Hull, les Olympiques de Gatineau à ce que sont les Canadiens pour la Ligue nationale de hockey. Toujours une idée, une image de marque qui est évidemment l'excellence qui est toujours prisée. Cependant, une chose qu'il faut garder en tête, c'est que l'équipe n'a jamais eu à vivre une telle reconstruction. C'est la première dans leur histoire. Alors, malheureusement, il y a effectivement des pleurs et des grincements dedans, mais ça fait partie du processus. Est-ce que on s'en va dans la bonne direction? Ben, seul le temps va nous le dire. On peut pas juger les transactions qui ont été effectuées au cours des derniers mois, au cours de l'année dernière. Maintenant, je pense que ça va prendre du temps à voir maturer ça. Alors, c'est sûr que oui, il y a une pression constante de gagner. Malheureusement, les gains ne sont pas là en ce moment. Et là, ben, on voit le résultat avec la pression qui est de plus en plus palpable. Tu parlais de gens qui vont peut-être, les propriétaires vont peut-être en avoir moins. Est-ce qu'ils vont être rachetés? Est-ce qu'on se dirige vers un seul propriétaire? Puisqu'il y avait des rumeurs qu'il y avait un groupe mené par Luc Robitaille, Maxime Talbot, Derek Brassard, qui étaient très intéressés aux Olympiques de Gatineau. Est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent arriver? Ce que je sais en ce moment, c'est qu'il y a eu, il y a eu du terrain, du travail de terrain qui a été fait, une approche qui a été faite envers des anciens Olympiques et certains membres de la Ligue nationale de hockey qui font partie de la région, dont Derek Brassard. Derek Brassard lui-même a manifesté via texto que oui, il est intéressé. Dans le cas de Luc Robitaille et Maxime Talbot, ce qu'on nous dit, c'est que Maxime Talbot, sans se faire tirer l'oreille, oui, est intéressé, mais attend de voir d'autres se joindre à tout ça. Luc Robitaille, même chose, c'est un peu mi figue, mi raisin, un peu tiède à l'idée. Oui, il voudrait faire le bouge, mais il faudrait qu'il y ait des changements au niveau des propriétaires et c'est là qu'on doit faire le lien entre certains groupes qui sont contre le groupe de M. Alain Cyr qui voudrait peut-être se joindre au groupe de la Ligue nationale de hockey pour mettre la main d'une façon générale là, aux Olympiques, une façon majoritaire, pardon, aux Olympiques de Gatineau. Mais de là à dire que tous ces joueurs-là sont prêts à signer maintenant le chèque, je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de réunions et on va voir le résultat. Mais pour l'instant, pour les propriétaires, je peux pas te dire si on va réduire ça à un seul propriétaire, mais j'ai l'impression, par exemple, d'après ce que je sais, c'est qu'il y aura certainement des propriétaires qui vont quitter par la suite de cette réunion qui aura lieu demain. Est-ce que la concession... Je vais prendre le conditionnel. Qui pourrait quitter? Parce que je veux pas dire que c'est... c'est sine qua non, c'est sûr et certain, là, c'est clair comme d'eau de roche, mais il y aurait certainement des changements au niveau du groupe de propriétaires qui pourraient être faits à la suite de cette réunion. Est-ce que la concession pourrait baisser de valeur et puis Luc Robitaille et Maxime Talbot attendent juste après ça? Peux-tu arriver? Écoute, c'est sûr qu'en étant un businessman, t'achètes bas puis tu vends haut, comme ouais, on dit. Alors, et je pense que aussi il y a cette notion-là, à savoir que vaut vraiment les Olympiques. On demanderait X nombre d'argent pour cette formation-là, alors que pour certains observateurs, l'équipe ne vaut pas ce montant-là. Alors, on va voir. Moi, je veux dire, c'est des chiffres qui appartiennent justement à ceux qui veulent mettre la main sur la formation, puis ceux qui l'ont en ce moment. Alors, je peux pas dire si la valeur est à son maximum, je pense pas, mais de là à dire qu'elle est à son plus bas, je ne sais pas non plus. Il faut pas oublier une chose, c'est que les Olympiques vont rentrer dans un amphithéâtre flambant neuf. Ouais, c'est ça. Et ça ouais. Tout de suite comme ça, c'est une valeur ajoutée à la formation. Et est-ce que j'imagine qu'on espère replacer les choses puis d'arriver de normalement quand on arrive dans un centre flambant neuf, on espère avoir une équipe compétitive. Donc j'imagine qu'on. Et c'est ce plan-là qu'on avait, c'est ce plan-là qui a été entamé, la reconstruction qui a débuté deux saisons, c'était dans cette optique-là, c'est-à-dire de rentrer dans un nouvel amphithéâtre avec une équipe qui fait partie des meilleurs de la LHJMQ, puis avec l'optique également de faire une demande pour la Coupe Memorial. Alors, il y a un plan, il y a un temps établi, puis c'est ça que je dis qu'il faut peut-être prôner la patience. Oui, les résultats ne sont pas là en ce moment, mais pour avoir vu quelques matchs des Olympiques, dont celui contre les 67 d'Ottawa, la série de la Coupe Alexandra, j'avais pas l'impression de voir un club de 17e rang disputer un match contre un des meilleurs clubs au Canada, ne l'oublions pas. Alors, je pense que le talent est là. Je pense que c'est juste une question, des fois, que la rondelle ne tombe pas de notre côté. Avec 12 défaites de suite, on peut dire qu'elle tombe pas souvent de notre côté, mais c'est pas si... Dans le vestiaire, on semble nous dire, puis on semble croire, puis on semble voir que l'équipe se tient les coudes serrés, puis on attend les résultats, puis il n'y a pas un joueur qui veut se présenter avec l'idée de perdre un autre match. On veut tous gagner. Ouais. Maintenant, c'est voir d'amalgamer tout ça ensemble, puis ça va venir à un moment donné. Je crois encore à Éric Landry, je crois encore aux gens en place. Alors maintenant, attendons et faisons un petit vœu pour le temps des fêtes. OK. Nicolas, si tu veux, on fait une pause, puis je veux te parler des Sénateurs d'Ottawa. C'est beaucoup plus positif, les Sénateurs. Donc, vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Nicolas Saint-Pierre, le descripteur des matchs des Sénateurs sur les ondes de danazosport.com. Section du club de golf de Chibougamau, Chapaille, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de l'équipe de Gagnon et Père Arpenteur Géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon et Père Arpenteur Géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon et Père Arpenteur Géomètre vous offre un service à la mesure de vos droits. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, au 418-276-2108. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. On est de retour à danazosport.com. Nicolas, en début d'année, les Sénateurs, on disait que c'est une équipe très jeune, que le Melnick et ainsi de suite. Mais je pense que y a quand même du positif chez les Sénateurs d'Ottawa. C'est même très positif. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. C'est une belle histoire que celle des Olympiques, que des Sénateurs. Oui, c'est une équipe. Oui, des Sénateurs. L'équipe est encore une équipe de bas de classement, pas de problème, mais je pense que on voit une équipe se battre à tous les soirs. Puis ça, c'est une chose qu'on reprochait peut-être au programme des Sénateurs dans les années précédentes. Puis ça venait aussi, c'était un lien direct avec la guerre intestine dans ce vestiaire-là. On a fait le ménage de tous les éléments et on a un groupe de leaders, un jeune groupe de leaders qui s'en vient, puis on a également un groupe de leaders en place, des vétérans qui guident cette formation-là dans la bonne direction. DJ Smith fait un travail incroyable, c'est un bonhomme de la nouvelle génération. On le sent très, très près de ses joueurs, puis tous les jeunes joueurs qui veulent adhérer à tout ça. Pensez à Tkachuk, pensez à Chabot. Peut-être une année plus ordinaire cette année, mais ça va revenir. Le gars a un talent indéniable, puis on le voit soir après soir. Puis la grosse nouvelle en ce moment, où le gros sujet, c'est évidemment la performance d'Anthony Duclair qui fait flèche de tout bois en ce moment. Ah oui. Ben, Nicolas Saint-Pierre, on va te souhaiter des joyeuses fêtes et on va suivre le dossier des Olympiques de Gatineau. C'est triste parce que c'est un œil au beurre noir pour la Ligue Junior du Québec parce que c'était vraiment une bonne. C'était une organisation vraiment modèle par le passé. Donc, on espère que ça va se replacer. Je vais te dire une chose, c'est que les Olympiques sont très importants pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On regarde la situation avec grand intérêt, mais on va régler ça. Et je vous assure une chose, c'est que en 2020, on devrait avoir de meilleures nouvelles à se dire concernant les Olympiques. Et pour les Sénateurs, ben écoutez, ça va bien, on continue comme ça. Puis l'année prochaine, une équipe qui pourrait être très performante. Question que je me pose en terminant, est-ce que Gilles Courteau a été interpellé là-dessus? Le dossier des... Oui, Gilles Courteau a été interpellé. Apparemment, j'ai pas parlé à M. Courteau. D'ailleurs, j'étais sur le point de faire une demande d'entrevue aujourd'hui concernant la situation. Mais on me dit que le bureau de la LHGMQ se tient très au courant et est très à l'affût de ce qui se passe pour ce qui est des Olympiques. Et à savoir, si on va s'impliquer dans tout ça, ben, il y aura certainement des conseils qui seront donnés à savoir comment on peut gérer la situation. Okay. Donc, Nicolas Saint-Pierre, joyeuses fêtes. On se reparle après les fêtes. À toi et tous tes auditeurs, joyeux temps des fêtes, profitez-en, joyeux Noël, puis célébrez ça en famille. Merci beaucoup.